Au théâtre Le Périscope pour une toute nouvelle émission. Joignez toute l'équipe sur place ou écoutez la retransmission en direct sur les ondes du 89.1. Le Gros Show, l'émission qui fait le plus parler à Québec. Seulement au 89.1, la radio authentique. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. CKRL HD. Une radio haute décibel. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. C'est une émission de rock progressif, donc Bruno Côté à la mise en onde ce soir et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation avec vous pour deux heures pour les sélections du meilleur du rock progressif. Là, c'est quand c'est Bruno qui fait un choix musical, c'est toujours les meilleures tunes des récentes dernières années. On débute avec Nexus, c'est leur meilleur album à mon sens, Metanoia. C'est un groupe de l'Argentine et cet album est très réussi. Il y a l'excellente pièce En la manos de Dios, dans les mains de Dieu, donc In the Hands of God. Et ensuite, ce sera Métaphore, tirée de l'album Starfooted. Ce sera la pièce The Battle of Arkans. On y va tout de suite en musique. We'll Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Le comptoir du livre, la meilleure sélection de livres neufs et usagés en ville. Un choix d'articles unique au cœur de la plus ancienne bouquinerie de Québec. Faites circuler la culture, soyez futé et écolo en vendant vos articles usagés. Obtenez le meilleur prix pour vos livres BD, DVD, vinyle et CD. Le comptoir du livre, la bouquinerie où l'on trouve de tout pour tous, au 726 rue Saint-Jean, 418-524-5910. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz rock avec Billy Cobham Quartet. Considéré comme l'un des meilleurs batteurs au monde et chef de file du jazz rock, Billy Cobham est reconnu pour sa précision et sa puissance. Pour célébrer le 40e anniversaire de sa parution, il nous offre l'intégrale de l'album culte Spectrum. Le 11 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Billy Cobham Quartet. Détails au palaismontcalm.ca. Qu'est-ce que ça prend pour rendre nos enfants plus heureux? Comment faire pour qu'ils soient plus en santé, plus forts et plus confiants? Recommençons à jouer. Chez Participaction, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette. Donnons-leur 60 minutes par jour de l'activité physique qui nous gardait heureux et en santé quand nous étions jeunes. Recommençons à jouer. Participaction, on s'active. Voici Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, c'est Mikey G, en direct de la piscine municipale de Limoilou. Oui, la piscine est présentement vide, alors on a besoin de vous pour la remplir de fun. Venez nous joindre, Adjet! Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575, poste 207. Hey, de retour avec Bruno et Marc pour cette première demi-heure de Terra Incognita ce soir. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe américain Métaphore. C'est un groupe de la Californie. Et leur premier album, Starfooted, qui est vraiment un bon album, paru en 99. C'était la pièce Battle of the Archons. Ils ont trois albums à leur actif. Et il y avait... comme pièce d'ouverture, Nexus de l'Argentine, tirée de Metanoia, la pièce En las manos de Dios. Et on parle beaucoup de rock progressif et de spectacles, plein de bons spectacles. On l'entendait juste ici pendant les publicités. Il y a Billy Cobham qui va être là le 11 octobre pour nous présenter l'intégrale d'un album culte qu'il a réalisé, Spectrum. Et il y a également Steve Hackett qui est là avec Genesis Revisited 2. Et il sera accompagné donc du claviériste Roger King, le batteur Gary O'Toole, le bassiste Lee Pomeroy, le saxophoniste et flûtiste Bob Townshend et le chanteur Nad Sylvan. Alors il vient nous interpréter toutes les pièces de Genesis, donc c'est à ne pas manquer le 4 octobre, donc vendredi prochain au Grand Théâtre de Québec, la salle Octave Crémazie. Et il doit rester peut-être quelques places, là, mais je sais que la réponse est très bonne et il y a de quoi. Il y a également Ian Anderson, Thick as a Brick 1 et 2 à Montréal, à Sad Wilfrid Pelletier de la Place des Arts le 15 octobre. Et il y a également Pendragon ici à Québec le 19 octobre à l'Impérial avec Red Sun en première partie, qui est un groupe de Québec qui viennent présenter leur plus récent album Cinéma du Vieux Quartier, qui vient de paraître il y a quelques mois, ainsi que l'album précédent Beyond the Mask. Et des pièces, évidemment, de leurs nombreux disques. Et il y a pas mal de choses intéressantes, donc, qui s'en viennent en spectacle. On s'en va en musique avec un deuxième bloc. Bruno nous a concocté... d'abord, on va en France avec un groupe mythique du rock progressif français Atoll, tiré de l'album Rock Puzzle. C'est la pièce Puzzle version Z, Studio Z version. Il y a également dans l'Argentine Amagrama, Cyclotimia et également Satellite qui va maintenant faire revenir à ses origines avec le groupe d'origine et faire paraître un album bientôt. Mais là, ce sera tiré de Evening Games. On y va tout de suite en musique donc avec Atoll, Amagrama et Satellite. Thank you.

me tight and make me now forget what happened. Blind me with your light and make me understand this. Forgive. I heard the news today, oh boy. Words died in my mouth, like hope in frightened mild blue eyes. Lesson first and last, old church's bells rang out the end of class. Lesson first and last, old church's bells rang out. You Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Le Musée de la Civilisation a 25 ans. 25 ans à se rapprocher du monde. Pour célébrer, le musée a concocté une programmation culturelle riche sur une variété de thèmes comme le territoire et l'histoire du Québec. Prochainement, le concert « Sur la trace des filles du roi » le 22 septembre avec l'ensemble Terra Nova et le 29 septembre, la conférence de Denis Vaugeois, historien et ministre des Affaires culturelles au moment de la création du musée. Découvrez la saison du 25e anniversaire du Musée de la Civilisation au mcq.org et prenez part aux célébrations. Terra Incognita, de retour, Bruno et Marc avec vous. Et c'est toujours bon, ces petites publicités-là, ça nous met dans l'ambiance. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était le groupe Satellite, c'était tiré de Evening Games, la pièce Beautiful World. C'est un album qui est paru en 2004 plutôt. Et il y avait juste avant Amagrama, tiré de... Amagrama, c'est l'album éponyme, c'était la pièce Cyclotimia. Et on avait eu également Atoll, tiré de Rock Puzzle, avec, oui, c'était la pièce Puzzle, version Z Studio. Et je vous parlais de spectacle tantôt, il y a aussi du côté des nouvelles parutions, le groupe King Crimson, qui a annoncé, donc Robert Fripp a annoncé qu'il y aurait une nouvelle mouture de King Crimson où il allait avoir un album qui allait se faire dans la prochaine année. Il va y avoir deux batteurs, Gavin Harrison avec Pat Mastelotto. Il va y avoir également Tony Levin à la basse. Et il va y avoir Jacko Jackzik avec Mel Collins. C'est une nouvelle formation. Il y aura un autre musicien également. Et on a bien hâte d'entendre ce que ça va donner. Là. Je suis surpris et content de savoir qu'on va avoir un nouveau disque de King Crimson. Il y a également le groupe Myriador qui vient de faire paraître, un groupe de Québec, qui vient de faire paraître leur nouvel album Fakir, Cobra Fakir, voilà. C'est leur huitième album. Le précédent était vraiment excellent, Avanti, en 2009. Ils étaient venus nous présenter ça en première partie de Van der Graaf au Festival d'été. Si vous vous en souvenez. Donc, Cobra Fakir, on vous fera entendre ça dans les prochaines semaines et mois. On y va donc en musique avec un prochain bloc, Glasshammer. Parlant de Glasshammer, il y a une nouvelle édition du magazine Terra Incognita qui vient de paraître, puis on y parle surtout et presque exclusivement, il me semble, oui, de rock progressif des États-Unis. Donc, le groupe Glasshammer, il y a une entrevue avec eux et on entendra la pièce Ron Lizette tirée de Shadowlands. Ensuite de ça, Eloy, tiré de Visionary, leur récent album, la pièce Mystery, The Secret Part 2, et il y aura également Asia Minor, ça c'est super bon, des années 70, 80, début 80, tiré de Crossing the Line, la pièce Musen Gosler. Allons-y d'abord avec Glasshammer. Hello, this is Fred Schendel from Glasshammer, and you're presently listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City.

Le Gros Show, l'émission qui fait le plus parler à Québec. Seulement au 89.1, la radio authentique. Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille. Tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1, Québec. Denis Barry vous propose l'émission « L'opineur du chef ». Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. De retour avec Bruno et Marc pour la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita. On fait un petit retour dans ce qui a joué juste avant. C'était Asia Minor qui avait terminé le bloc musical tiré de Crossing the Line, la pièce Muzun Gosler. Il y avait eu juste avant Eloy, tiré de leur plus récent album, paru en 2009, Visionary. C'est leur 18e album en carrière. C'est un groupe légendaire qui vient de l'Allemagne. Et c'était la pièce Mystery. Et le bloc avait débuté avec Glasshammer. Alors, pour le dernier bloc musical, ce que nous a concocté Bruno ce soir, c'est Tea d'abord. C'est ça, Tea, ça vient du Japon. Et c'est Trans Europe Expression, leur plus récent album, leur second. C'est instrumental, c'est vraiment excellent. Moi, c'est un de mes coups de cœur, là. C'est distribué par Musea. Alors, ce sera la pièce des Flying Roses. Ensuite de ça, on s'en va en Angleterre avec les Future Kings of England, tiré de leur second album. Who is this? Who is coming? La pièce Face of Crumbled Linen. Et il y aura également L'Oddity de Frank Carducci et la pièce The Last Oddity. Alors, on débute tout de suite donc avec T. We'll be right back.

C'est sur la musique de Frank Carducci, tiré de l'album Oddity, son premier disque, la pièce The Last Oddity, que se termine l'émission Terrain Incognita en ce 29 septembre 2013. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical, et Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures. Restez des nôtres puisque l'émission L'Autoroute est là dans quelques instants. Alors Vincent et Jacques vont être là avec vous dans 2 minutes. Alors c'était donc une autre édition de Terrain Incognita. On vous dit bonne semaine et à bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. En 2013, CKRL a 40 ans. Merci de nous avoir témoigné tout au long de l'année votre grande fidélité. Maintenant que 2013 tire à sa fin, c'est à notre tour de vous gâter. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Est-ce que je peux gagner le 11 octobre? Oui. Le 3? Oui. Le 28? Oui. Le 19? Ben non, c'est un samedi. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. Vous êtes musicien et vous faites des covers de chansons francophones? C'est maintenant le temps de vous inscrire à la première édition du concours Francoverfest. À compter du 20 octobre, 16 groupes de 2 à 6 musiciens seront choisis pour s'affronter tous les dimanches au Quartier de Lune. Un jury de 3 musiciens professionnels et le vote du public détermineront la meilleure formation de la semaine. Premier prix, 3 000 $. Deuxième prix, 1 000 $. Vous avez jusqu'au 13 octobre minuit pour vous inscrire à concoursql@commercialhotmail.com. Les détails et règlements sont disponibles sur la page Facebook du Francoverfest. Une collaboration de la Banque TD Canada Trust, Assurance Jean-Marc Lemieux, Brasserie Labatt et Belle Gueule.